Bonjour monsieur, bonjour madame, je peux vous aider ? Bonjour, nous voudrions un plan d'Albi et aussi des informations sur la ville, s'il vous plaît. Alors, voici le plan. Nous sommes place Sainte-Cécile. Le centre historique est là, tout autour. Vous venez d'arriver ou vous connaissez un peu la ville ? Nous venons d'arriver. Nous dormons ici cette nuit et nous partons demain. Qu'est-ce que vous nous conseillez de voir ? Eh bien, vous avez la cité épiscopale, avec la cathédrale Sainte-Cécile, juste en face. Derrière la cathédrale, vous pouvez visiter le palais de la Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec. Descendez aussi vers les quais pour voir le pont vieux. Parfait. Je voudrais savoir aussi où sont les rues commerçantes. Ah oui, on veut acheter des souvenirs. Alors c'est simple, c'est tout près d'ici. À la sortie de la cathédrale, allez à gauche. Ensuite, prenez la rue Sainte-Cécile à droite, au bout de la place. Les rues piétonnes et commerçantes se trouvent entre cette rue, la place La Pérouse et la place du Vigan. Et pour sortir ce soir ? Pas de problème. Il y a un grand choix de bars, restaurants, cinémas. Tenez, voici un dépliant. Très bien. Vous avez aussi une liste d'hôtels ? Non, désolé, je n'ai plus de brochure. Tant pis, on va regarder sur Internet. Merci, au revoir. Bon séjour.